midi tout pile sur l'antenne 89.5 de Radio Dio ou via le streaming dispo sur www.radiodio.org. Vous le savez, le créneau 12-13 de cette journée de jeudi est toujours un moment particulier pour Radio Dio avec des programmes en alternance. Et les deuxièmes jeudis de chaque mois, eh bien c'est désormais consacré aux interventions du GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois. Et pour représenter cette association du GREMOS aujourd'hui, nous avons avec nous François Maguin et Karima Guézou. Bonjour. Bonjour. Ils vont nous parler aujourd'hui de l'éducation populaire laïque entre 1895 et 1940 dans la Loire. Bien, donc on va se présenter d'abord, oui, Karima. Tout à fait. Alors je m'appelle Karima Guézou, je suis doctorante en histoire à Lyon 2, l'université Lyon 2, et je travaille sur la Ligue de l'enseignement, donc l'histoire de la Ligue de la Fédération des œuvres laïques de la Loire, de 1945 à nos jours. Mais j'avais déjà effectué un travail auparavant sur la constitution de la Ligue depuis 1907. François ? Donc, je suis responsable dans l'Université de la vie associative et je me suis toujours intéressé du point de vue historique à l'éducation populaire et particulièrement à sa manifestation dans les quartiers sous des formes comme les amicales laïques, les centres sociaux, les MJC. Alors, on va vous présenter le plan, donc ce sera en trois parties. Donc on va vous rappeler dans une première partie qu'est-ce que l'éducation populaire, de la définir. Dans une deuxième partie, nous attarderons sur la Ligue de l'enseignement dans la Loire, de 1907 à 1940. Puis dans une troisième partie, on traitera d'une amicale laïque, celle de Michelet, de 1895 à 1940. Bien, il peut paraître un peu surprenant qu'on parle de l'éducation populaire dans une série d'émissions du GREMOS, hein, groupe de recherche et d'études du monde ouvrier stéphanois. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. C'est d'abord les anniversaires qui arrivent. L'année prochaine, c'est les 150 ans de la Ligue de l'enseignement au niveau national. Ici, cette année, c'est les 120 ans de l'amicale laïque Michelet. Donc, on est dans un temps assez long. Et puis c'est aussi surtout un élargissement des centres d'intérêt du groupe GREMOS. Hein. C'est-à-dire qu'on se pose la question sur la vie et l'identité ouvrière, pas seulement dans l'usine et dans les luttes syndicales et sociales, mais dans un autre territoire, celui de l'habitat, hein, le quartier. C'est-à-dire comment s'est constitué ces identités, comment se sont affrontées les forces vives dans la société française, qu'est-ce qui a construit la société qu'on connaît. Donc ici, c'est un intérêt qui n'est pas seulement envers l'ouvrier, mais aussi envers sa famille, sa femme, ses enfants, pour comprendre comment s'est constituée son identité et comment s'est transmis. Et l'éducation populaire, là, a été le moyen d'une éducation aux valeurs laïques ou religieuses, un moyen de défense de ses valeurs et un moyen de formation, de manière à ce que, petit à petit, on a vu se construire une participation du monde ouvrier à la société et individuellement l'entrée dans une citoyenneté. Tout à fait. Alors, sans transition, on va passer à la première partie, donc définir un peu l'éducation populaire. Donc l'éducation populaire est un concept proprement français qu'il est bien difficile de définir du fait de son évolution au fil du temps. Néanmoins, en ce qui concerne l'éducation populaire, on peut dire que c'est un courant d'idées qui est étroitement lié à celle d'un mouvement social, à la démocratisation progressive de la société, à celle de l'enseignement et celle de la culture. À partir de la définition du dictionnaire, l'éducation signifie la mise en œuvre de moyens propres à assurer la formation et le développement d'un être humain, et par extension, ses moyens eux-mêmes. Le terme populaire est ce qui appartient au peuple ou ce qui émane du peuple. Toujours est-il, qu'on peut donner comme explication que l'éducation populaire a permis l'accès du peuple à l'instruction et vise la formation tout au long de la vie. Cependant, en ce qui nous concerne, nous ferons référence principalement à l'héritage du rapport du décret sur l'instruction de 1792 de Condorcet. Ce rapport est la base du fondement de l'éducation populaire et fixe pour objectif principal d'instruire le citoyen afin de faire progresser des hommes en hommes responsables. Ainsi, l'histoire de l'éducation populaire trouve ses fondements au XIXe siècle, avec notamment l'émergence de plusieurs mouvements d'éducation populaire, le mouvement religieux, laïque et ouvrier. En ce qui concerne la mouvance laïque, comme on l'a dit avant, son origine remonte à celle de Condorcet, donc qui était un philosophe des Lumières, mais il était aussi un homme politique, mathématicien, donc 1743-1794, avec notamment son rapport sur l'organisation générale de l'instruction publique, présenté à l'Assemblée législative les 20 et 21 avril 1792. Ce rapport propose d'instituer notamment l'éducation permanente dans un projet cohérent et complet. Ainsi, le processus éducatif doit avoir plusieurs points d'ancrage et pas seulement l'école. En effet, l'appareil scolaire a une grande place par rapport aux instances extrascolaires. C'est pourquoi il propose d'organiser des conférences hebdomadaires pour favoriser l'acquisition de connaissances intellectuelles utiles et conduire à l'auto-formation. Pour cela, il propose d'ouvrir l'école à des publics d'adultes, d'œuvres de jeunesse à travers les patronages et d'activités post-scolaires. Le thème de la préparation aussi des loisirs est central. Il est le premier à parler finalement d'éducation permanente et donc d'éducation tout au long de la vie. Alors je vais vous citer un propos de Condorcet. Vouloir éduquer les hommes du peuple, c'est vouloir les préparer à devenir des individus raisonnables, sensibles aux valeurs morales et aptes à défendre les libertés. C'est aussi contribuer à fortifier leurs capacités intellectuelles et à développer leurs compétences professionnelles. La volonté de l'émancipation sociale et politique de l'homme, donc former le citoyen. Alors ce rapport ne verra pas le jour, puisqu'à l'Assemblée législative, l'Assemblée législative a adopté la déclaration de guerre au roi de Bohême et de Hongrie au même moment. Il faudra donc attendre un peu plus tard pour que naissent les premières réalisations concrètes donnant suite à ce projet. Ainsi, la Ligue de l'enseignement, qui a été fondée par Jean Massé en 1866, va réaliser ce projet d'éducation populaire. Alors, je voudrais m'attarder sur son fondateur, parce que son profil est intéressant. Jean Massé, donc 1815-1894, était un instituteur, un journaliste et un homme politique français. Jean Massé naît dans une famille ouvrière le 22 août 1815 à Paris. C'est un élève boursier, il fait une scolarité remarquable dont il sort bachelier et S-lettres à 20 ans. Après son service militaire et une série de petits travaux, il devient professeur, puis séduit par les idées de Charles Fourier, il se lance dans le journalisme politique. C'est donc sous le Second Empire que Jean Massé décide de fonder des bibliothèques populaires ouvertes à tous. Il met d'abord sa bibliothèque personnelle à portée de tous et souhaite étendre cette pratique. Néanmoins, il devra faire face à l'hostilité de cet empire. Étant fils de prolétaire, son origine sociale, modeste notamment, justifie la raison de son engagement militant en faveur des classes populaires. Il était favorable à un enseignement du peuple. Il se lance dans la lutte politique en publiant des articles. Jean Massé est donc une figure importante de l'éducation populaire parce qu'il est le fondateur de la Ligue de l'enseignement. Alors, la Ligue de l'enseignement, pour la définir, c'est un mouvement d'éducation populaire. Donc l'éducation populaire est un courant d'idées qui pose un véritable projet de société porté par des militants, pour reprendre les propos de Geneviève Poujol, qui est sociologue spécialiste de l'histoire de l'éducation populaire. Alors elle a été créée avant ce qu'on a appelé l'ère de l'édification de l'école. L'enjeu est précisément le domaine éducatif, puisqu'elle a soutenu l'édification de l'école républicaine, laïque, démocratique et libérale. Geneviève Poujol parle de projet militant. C'est en effet à travers un projet de société que s'est construit l'idée d'émanciper l'individu. La Ligue de l'enseignement en matière d'éducation populaire a créé des bibliothèques régimentaires, des foyers du soldat, des associations amicales d'anciens élèves, dont on approfondira le sujet, des mutualités scolaires, des colonies de vacances, des patronages laïques et un réseau de sociétés républicaines d'instruction. La Ligue de l'enseignement s'est constituée dans un contexte de lutte contre l'ignorance pour le développement de l'instruction et de l'idée laïque. En effet, c'est au moment de la Révolution de 1848 qu'il y a la naissance de la relation entre politique et éducation. La vision de certains républicains inspirés fortement par la philosophie des Lumières et par la Révolution ont pour croyance politique l'éducation, parce que l'éducation a des vertus. En effet, cette vision est typique et sa mise en place ne peut se faire qu'à travers le champ politique. C'est en ce sens, d'ailleurs, que la laïcité en tant que valeur universelle est la condition politique nécessaire pour un choix de société. Celui où l'individu, alors on parlera plutôt du citoyen, hein, qui donne une véritable dimension politique, serait totalement libéré de tout dogme religieux ou de toute autre influence. Le choix de société au moment de la Révolution vise essentiellement à instaurer une démocratie en vue de favoriser l'émancipation du peuple. Si on définit le terme démocratie, on en comprend les enjeux. Selon Pierre-Joseph Proudhon, la démocratie est la démopédie, qui signifie et renvoie à la pédagogie, qui elle-même signifie l'art d'éduquer. Pour lui, la démocratie, c'est l'éducation du peuple. L'un des enjeux est donc bien l'éducation. Toutefois, faut-il rappeler que l'instauration en février 1848 du suffrage universel n'avait pas suffi pour exiger la démocratie. En effet, le président de la République, donc Louis-Napoléon Bonaparte, avait restauré un empire. C'est pourquoi les républicains s'accordent à dire et à penser qu'il faut donner les moyens d'éduquer le peuple pour que celui-ci soit souverain et donc libéré. Donc, ce qui revient à dire qu'il est question de prodiguer une éducation affranchie de toute référence religieuse pour éviter les erreurs des premières élections. L'éducation relève donc bien du champ politique. Ainsi, la Révolution française marque la naissance d'une réflexion en ce qui concerne l'éducation du peuple et reste la référence des enjeux et combats menés après cette période en matière d'éducation populaire, dans un premier temps, puis par la suite, d'éducation en général. Alors là, je vais citer Jean Bourreau, qui a écrit un livre sur l'histoire d'éducation populaire. Il précise que pour situer les origines de l'éducation populaire, la référence reste la Révolution française, parce que cette période est dynamique, une pensée attachée à une époque. L'enjeu principal de la Ligue de l'enseignement est bien de créer les conditions d'émergence d'une conscience civique à visée démocratique. Pour ce faire, cela passe à travers l'éducation, c'est le projet même de l'éducation populaire, c'est-à-dire celui de former le citoyen en vue de lui dispenser un message politique. Dès ses débuts, la Ligue de l'enseignement est en faveur de l'instruction publique et obligatoire. La Ligue de l'enseignement est une confédération d'associations françaises d'éducation populaire et laïque. Elle a une place centrale dans l'organisation de la société. Elle porte en son nom le terme enseignement. De toute évidence, si on s'intéresse à l'époque de la création de la Ligue de l'enseignement, soit en 1866, le choix de ce terme semble être une exigence et non pas un choix insignifiant. Bien au contraire, l'enseignement étant une pratique d'éducation qui vise à développer des connaissances chez un individu, on peut considérer qu'il y ait eu chez son fondateur une détermination politique très marquée pour instaurer de façon officielle une éducation. Alors, les propos suivants illustrent précisément les objectifs recherchés par son fondateur. Donc c'est Jean Massé qui disait « Pourquoi, puisqu'on parle de remanier notre système militaire, pourquoi à côté de l'armée régulière, ne chercherions-nous pas à organiser aussi le Landerwehr de l'enseignement ?» Je crois qu'on va passer maintenant à une petite pause musicale. Tout à fait, que vous avez sélectionnée. Voilà, ça nous a paru bien de parler aussi un peu à travers cette musique des valeurs que nous défendons. Et donc, est-ce que vous pouvez annoncer le titre ? Alors, c'est donc « Politiquement correct » de Benabar. Merci. J'aime mes parents, j'aime mes enfants, c'est bien pensant. J'aime pas la guerre, ni la misère, c'est énervant. Tu trouves ça peut-être politiquement correct, mais moi je t'emmerde. Je ne suis pas raciste, je suis droit de l'homiste, je porte pas de fourrure. Je ne regrette pas la guillotine, je ne suis pas misogyne, je trie mes ordures. Je le répète, politiquement correct, mais moi je t'emmerde. Je n'ai rien contre les mosquées, je ne me sens pas menacé par les minarets. Je ne crois pas que les homos ne sont pas normaux, forcément coquets. Je suis une tapette, politiquement correct. Et moi je t'emmerde. Victime de la pensée. assez unique. Je suis, je l'avoue, laïque pendant que j'y pense. Je précise que je ne crois pas qu'il y ait trop de juifs dans les médias ou la finance. Je risque de te paraître politiquement correct. Et moi je t'emmerde. Ça va te sembler démagogue, mais je déconseille la drogue, même aux mineurs. Je milite pas, tiens-toi bien, pour l'extinction des dauphins, je veux pas qu'ils meurent. Tu trouves ça naïf et bête, politiquement correct. Et moi je t'emmerde. Je ne parle pas à la concierge, ni à la femme de ménage, comme à des chiennes. Il faut respecter tous les gens, je l'enseigne à mes enfants pour qu'ils deviennent. Un jour comme je le souhaite, politiquement correct, et on t'emmerde. Benabar avec Politiquement Correct. On va retrouver Karima qui va nous parler, si je ne m'abuse, de la Ligue de l'enseignement dans la Loire entre 1907 et 1940. Tout à fait. Alors, simplement, juste avant de revenir sur cette date de 1907, parce qu'il y a eu des prémices juste avant la création de la Fédération de la Loire, il faut savoir que, comme l'a dit tout à l'heure François, Saint-Étienne est une ville qui a connu une industrialisation active et rapide au XIXe siècle, avec notamment les mines, les usines métallurgiques et sidérurgiques, la passementerie et l'industrie du cycle. Cette industrialisation a attiré une main-d'œuvre des campagnes de Haute-Loire et de la région, mais aussi des étrangers de d'autres pays, Italie, Espagne, Pologne, etc., afin de répondre aux besoins de ces industries. Cette population a des besoins socioculturels. Alors, l'héritage historique repose sur la laïcité, puisque je l'ai évoqué précédemment à travers la Ligue de l'enseignement, qui est un mouvement du courant laïque. Il faut savoir que un peu partout en France, dès 1880, s'est créé des petites associations d'anciens élèves, souvent lancées par des instituteurs. Et sur Saint-Étienne, ce type d'association voit le jour en 1888. Donc on voit se développer des sociétés d'anciens élèves de l'école publique, ce qu'on appellera les petites A, qui se regroupent en dehors de l'école. Ces associations se transformeront très vite et se regroupent pour former le 17 avril 1896 une union fédérale stéphanoise. Ces associations vont mettre en place des cours du soir pour les cours d'adultes, car il est important d'instruire les classes ouvrières qui sont pour la plupart analphabètes. Ces petites A se transforment en amicales. En 1889, des associations fondées par des bénévoles, militants laïcs, notamment, ont répondu par l'action pour combler le manque de besoins socioculturels, aider les plus défavorisés à s'éduquer, puis à organiser leurs loisirs. Les amicales laïques, structures populaires dans les milieux ouvriers et classes moyennes à Saint-Étienne, qui sont le résultat d'un souhait et d'une volonté populaire d'instruire les plus défavorisés pour les rendre libres. Alors tous les quartiers, on le verra, posséderont une amicale laïque et la gestion repose sur une base démocratique. Mais ces amicales, en fait, vont se regrouper en union fédérale départementale un peu plus tard pour impulser la nouvelle constitution des statuts de la Ligue. Alors ce qui m'amène avant toute chose, suite à l'émergence de ces petites A, à 1900. La date de 1900, c'est la période où l'idée de créer une fédération forésienne émerge. Ainsi, dans la Loire, ce mouvement s'est poursuivi et s'est organisé sous forme de petites associations ou sociétés, comme on l'a dit précédemment. C'est pourquoi, dès 1900, donc Joannès Merla, président fondateur de l'Union fédérale des sociétés d'anciens élèves des écoles publiques de Saint-Étienne, en 1888, lance un appel pour fonder la Fédération forésienne des œuvres post-scolaires. Il souhaite continuer l'action de Jean Massé, mais en se limitant à un territoire bien précis, celui du département de la Loire. En effet, comme le démontre Édouard Petit, les 614 associations que compte le département de la Loire se sont organisées pour le développement de l'éducation populaire. Il y voyait lui aussi un intérêt général pour le département de se regrouper pour toutes ces associations. Toutes ces associations ont en effet un point commun. Elles ont des liens qui se rapprochent de près ou de loin à l'école et elles défendent l'idée laïque. Pour eux, l'intérêt de se fédérer était de mettre en commun leurs idées afin de mieux développer l'éducation populaire. La création de la fédération n'interviendra qu'en 1907-1908, la fédération départementale. Donc la création de la fédération, c'est le 30 juin 1907, à l'occasion d'une fête des écoles, que Claude Grivola, président de l'Union fédérale des sociétés d'anciens élèves des écoles laïques de Saint-Étienne, qui a succédé à Johannes Merla, met à exécution le projet de créer une fédération départementale. Toutes les associations du département étaient invitées et la plupart ont répondu présents. Le nombre d'associations locales avait fortement augmenté et parce qu'il était nécessaire de mettre en commun leurs idées et objectifs qui étaient de développer l'éducation populaire afin de créer une force laïque. C'est ainsi que le 15 décembre 1907, l'Union fédérale stéphanoise se réunit en assemblée pour un congrès constitutif. Lors de cette assemblée, il est adopté les statuts d'une nouvelle association qui aura pour appellation Fédération départementale des œuvres post-scolaires et d'éducation sociale de la Loire. La reconnaissance officielle n'interviendra que le 12 mars 1908, puisque les statuts sont déposés en préfecture. Cette fédération repose sur le principe de la laïcité. Donc elle est reconnue officiellement le 24 mars 1908. Et le but étant de développer et de favoriser les œuvres d'éducation physique et sociale à l'école, en dehors de l'école et au-delà de l'école. Alors elle connaît très très rapidement des débuts glorieux, à savoir qu'elle mène de diverses actions. Dès 1910, la fédération départementale mène des actions en faveur de l'école laïque. Elle trouve de nombreux soutiens, notamment proches de l'école laïque, instituteurs, inspecteurs d'académie, et aussi des républicains, particulièrement des hommes politiques. Le nombre d'associations fédérées ne cessant d'augmenter, elle multiplie de ce fait ses actions pour rendre service à ses adhérents. Elle crée de nouvelles associations, elles organisent des conférences, des fêtes laïques, elles éditent un bulletin mensuel. La fédération compte plus de 151 associations à son actif en 1914. De là, l'idée de créer une organisation régionale émerge au sein de la Fédération de la Loire. Avec l'étendue de cette réussite, il est décidé de créer une organisation régionale des œuvres laïques. C'est le 1er et le 2 novembre 1913, au congrès de Saint-Étienne, qu'il a été décidé de créer l'Office régional des œuvres laïques scolaires du Rhône, de l'Ain, de l'Isère et de la Loire. Les statuts de cette nouvelle organisation régionale prévoyaient d'étendre à d'autres départements la possibilité d'y adhérer. Cette nouvelle organisation avait son siège à Lyon. Elle était dirigée par un comité directeur composé de 2 délégués par département. La première action réalisée par cette organisation a été de réaliser un bulletin régional mensuel qui s'intitulait « L'adolescence ». Ensuite, elle développa un programme de propagande afin de créer de nouvelles fédérations dans les départements de l'Ardèche, de l'Allier, des Hauts et Basses-Alpes, de la Drôme, du Doubs, du Jura, du Gard, du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire, de la Saône-et-Loire aussi, de la Savoie, de la Haute-Savoie et du Vaucluse. Son objectif était de faciliter les échanges entre les conférenciers et les départements fédérés. Alors, en 1914-1920, donc c'est la déstabilisation des organisations des œuvres laïques. En 1914, devait se tenir un congrès à Lyon et où il était question de finaliser les objectifs de l'Office régional des œuvres laïques scolaires. Mais la même année, la guerre éclate en France. Cette guerre causa beaucoup de dégâts sur le plan humain. La plupart des actifs militants de la Fédération s'étaient engagés dans cette guerre et les pertes de vie humaine étaient lourdes et conséquentes pour toutes les organisations d'œuvres laïques. Certaines de ces organisations, d'ailleurs, deviendront des œuvres de guerre. Elles auront un rôle d'assistance pour les combattants, d'autres disparaîtront tout simplement. À cette époque, la plupart des organisations laïques œuvraient en faveur de la paix universelle. La Ligue de l'enseignement a rejoint ces organisations pour la même cause. Elle trouva un accueil chaleureux et ainsi une coopération s'était mise en place. Mais la guerre s'est terminée en 1918. La Fédération départementale de la Loire n'agissait plus pour différentes raisons. Perte de militants, manque de moyens principalement. Elle disparut peu à peu. Mais en 1921, c'est la reconstitution de la Fédération départementale de la Loire. C'est Claude Grivola, détenteur et administrateur du reliquat des fonds de l'ancienne fédération, qui souhaite reconstituer la fédération. Il réunira le bureau provisoire composé de quelques militants du Conseil fédéral de 1914. L'école laïque est menacée par diverses attaques entreprises par le bloc national. Du coup, pour répondre à ces attaques, le bureau provisoire décide le 18 juin 1921 au congrès de Moron de reconstituer une fédération départementale. Lors de ce congrès, il sera établi un programme pour le regroupement départemental. Ce programme fut une réussite puisqu'il a permis d'année en année l'augmentation du nombre d'associations adhérentes à la fédération. On observe d'ailleurs une progression de près de 50% d'associations en plus de 1921 à 1924. Les congrès fédéraux successifs s'étaient tenus une fois par an et en lieux différents. Ce qui nous amène donc à l'année 1924, il y a le projet, alors au sein de la Fédération de la Loire, il y a le projet de créer une fédération nationale. Donc le 22 juillet 1923, au congrès départemental de Rive-de-Gier, un nouveau projet est lancé par M. Louis Pibarou, secrétaire général de la Fédération départementale des œuvres laïques de la Loire. Il veut constituer une fédération nationale des œuvres laïques, afin de défendre les intérêts de l'enseignement public. En effet, à cette époque, le contexte politique est très tendu, et des propositions de loi sont adoptées à l'encontre de l'école publique et laïque. C'est pourquoi, lors de ce congrès, M. Pibarou émet la proposition de préparer ce congrès national, qui se tiendrait à Saint-Étienne, au siège de la Fédération de la Loire. Le 27 juillet 1924, au congrès départemental de la Fédération de la Loire, qui se tient à Roanne, M. Pibarou dicte dans un rapport moral la marche à suivre pour la réalisation d'une fédération nationale. Selon lui, il est nécessaire de grouper les fédérations départementales existantes pour créer les unités de la nouvelle organisation. Au total, il crée 45 fédérations départementales pour que celles-ci puissent adhérer au congrès national. Comme le souligne Roger Vieljeuf dans son ouvrage Laïque mes amis, les objectifs de cette institution nationale étaient avant tout de poursuivre les idées de Condorcet afin d'organiser l'enseignement post-scolaire gratuit, laïque et obligatoire. Il était prévu notamment de prolonger l'âge obligatoire jusqu'à 16 ans à l'enseignement, l'âge obligatoire à 16 ans à l'enseignement post-scolaire. La Fédération départementale de la Loire a apporté une réflexion sur cette prolongation. Elle a étudié les besoins, les programmes pédagogiques nécessaires pour l'établissement de cette prolongation. Cependant, le projet de constituer un congrès national a soulevé des inquiétudes et des doutes. La Ligue de l'enseignement a évoqué des craintes face à cette nouvelle organisation. Le groupement départemental du Rhône exprimait aussi un manque de confiance, ce qui a retardé la mise en place de ce projet. M. Pibarou a souhaité s'expliquer sur ce projet, car il ne pouvait commencer sans accord unanime de toutes les organisations existantes. C'est pourquoi, fin octobre 1924, au congrès de la Ligue de l'enseignement qui s'est tenu à Valence, la Fédération départementale de la Loire, représentée par M. Grivola, a rencontré M. François Albert, qui était le président de la Ligue de l'enseignement au niveau national, et ministre de l'Instruction publique, et des représentants du groupement départemental du Rhône. Cette rencontre a permis d'expliquer les intentions de la nouvelle organisation et de démontrer qu'il n'y avait aucune crainte à avoir pour la Ligue, car il s'agissait au contraire de renforcer ses intérêts. Cette rencontre a donc permis de donner un avis favorable à la constitution de la nouvelle organisation. Alors intervient la décision de la création de la Fédération nationale. Le 9 novembre 1924 à Lyon, se tient une réunion des délégués des départements de l'Inde, de la Loire, de l'Isère et du Rhône. À cette réunion, il sera pris la décision de créer une délégation. Cette délégation, conduite par M. Brenier, sénateur et délégué de l'Isère, a établi les rapports de la future Fédération nationale des œuvres laïques et de la Ligue française de l'enseignement. Ainsi, les objectifs étaient les suivants. Agir pour la défense laïque relative à l'enseignement post-scolaire obligatoire et gratuit, grouper en fédération départementale les associations laïques pour faciliter l'unité d'action et la création d'associations nouvelles. La Ligue et la Fédération nationale doivent agir ensemble. La Ligue sera un réseau et une source d'information pour les fédérations. En 1925, c'est le premier congrès national à Saint-Étienne. Il a lieu à Saint-Étienne. Pour réaliser ces projets, la Fédération départementale de la Loire a organisé le premier congrès national. C'est donc du 11 au 13 avril 1925 que s'est tenu à Saint-Étienne le premier congrès national des œuvres post-scolaires et d'éducation sociale. Ce congrès est présidé par M. Maurice Roger, inspecteur général, représentant M. Albert, président de la Ligue et ministre de l'Instruction publique, retenu à Paris pour des des obligations ministérielles. Claude Grivola, président de la Fédération départementale de la Loire, ouvre le congrès en précisant l'objet de ces 3 jours. Ce congrès permettra de mener des actions en faveur de l'école publique et laïque. Durant la première journée, M. Louis Pibarot a démontré que Saint-Étienne était l'un des berceaux de divers projets laïques par le regroupement d'organisations laïques. Aussi, il explique que ces projets doivent se poursuivre pour contrer les cléricaux nationalistes. Le congrès se poursuit par diverses commissions sur les formalités de la nouvelle fédération nationale. Ainsi, la Fédération départementale de la Loire a élaboré les statuts de la Fédération nationale. Ces statuts précisaient que la Fédération nationale travaillera étroitement avec la Ligue de l'enseignement. Ces statuts seront révisés par M. Joseph Brunier, représentant de la Fédération départementale de l'Isère. Il propose d'intégrer la Fédération nationale à la Ligue de l'enseignement. Cette proposition est adoptée par la Commission. Le congrès se termine le 13 avril 1925. Le bilan de ces 3 jours est plus que positif, même si certains points ont fait l'objet de désaccords. L'initiative de la Fédération départementale de la Loire ne peut que se réjouir de cette réussite. Ces projets sont reconnus et sont maintenant devenus les projets de la Ligue de l'enseignement. Aussi, la Fédération de la Loire a développé une propagande importante depuis sa création. Il s'agissait maintenant d'intensifier cette propagande au niveau national pour résister au parti clérical. Alors, en 1926, le congrès de la Ligue de l'enseignement se tient de nouveau. Et en fait, on présentera à ce moment-là les nouveaux statuts justement de la Ligue de l'enseignement. Alors, mais la Ligue va connaître un développement à partir de 1928, notamment à travers ses différentes fédérations. On aura la création de l'UFOLEP. Donc, je vais passer sur les contenus, mais l'UFOLEP, donc, c'est la Fédération sportive d'éducation physique au sein de la Ligue de l'enseignement. De 1931 à 1936, on aboutit vers la reconnaissance d'utilité publique de la Ligue de l'enseignement. En 1931, le département de la Loire donc fête les 50 ans de l'école laïque et le centenaire de la loi Jules Ferry. Cette fête est organisée par la Fédération de la Loire. En 1934, suite à des émeutes fascistes, des manifestations populaires sont organisées par la Fédération de la Loire. Suite à ces manifestations, un appel est lancé aux militants laïcs pour constituer un comité de propagande. Pour contrer le fascisme. Ce n'est qu'en 1936, qui marque une année riche en événements favorables pour les mouvements populaires, que les retombées de ces propagandes auront lieu sur le plan politique. Le Front populaire remporte les élections. De grands chantiers en faveur de la classe populaire vont voir le jour. Ces actions vont permettre à l'ensemble des fédérations des œuvres laïques de se développer. La Fédération de la Loire profite de cette période pour faire une demande de reconnaissance publique auprès de la ville de Saint-Étienne. C'est ainsi que le 22 mai 1936, la Fédération départementale des œuvres laïques de la Loire est reconnue association d'utilité publique par Louis Soulier. Alors, on passe sur la période de 1933 à 1938 et on a la création de diverses organisations culturelles au niveau national toujours. En 1933 et en 1938 seront créées plusieurs unions spécialisées dans les domaines de l'éducation, de la culture et des loisirs. Pour suivre le modèle de l'UFOLEP créé en 1928, la Fédération de la Loire sera aussi à l'origine de ces idées, notamment celui de la création de l'Union française des œuvres laïques d'éducation artistique, l'UFOLEA, en 1933. En effet, on a vu que l'Union fédérale stéphanoise avait constitué une commission d'éducation physique et musicale et que c'est à partir de ce moment-là que la Fédération de la Loire va créer l'UFOLEP. C'est pourquoi il en résulte une section indépendante réservée à l'éducation artistique. Puis la même année sera créée l'UFOCEL, donc l'Union française des œuvres cinématographiques d'éducation laïque, qui prend ses sources au cinéma éducateur. C'est avec la collaboration de la Fédération du Rhône que cette union se fera. En 1934, c'est la création de l'UFOVAL, l'Union française des œuvres de vacances laïques. Une fois de plus, l'Union fédérale stéphanoise a joué un rôle important dans cette création. C'est de là qu'est partie l'idée. Roger Vieljoff explique toujours dans son livre « Laïque, mes amis » comment est née l'idée de proposer des vacances aux enfants. Ainsi, il développe l'histoire du pasteur Louis Comte, qui offrait aux enfants, en dehors de l'école et plusieurs fois par semaine, des excursions. En 1938, d'autres associations seront créées, comme le CLAP, Centre laïque d'aviation populaire, puis l'ADLF, l'Association démocratique et laïque des femmes. La Fédération des œuvres laïques de la Loire est donc restée fidèle à ses actions en prenant des initiatives de création. Toutes ces actions lui ont permis de se développer, mais aussi de se diversifier dans des domaines autres que l'école. Depuis le congrès de la Ligue de 1928, le développement est favorable pour l'ensemble des organisations post-scolaires. La Fédération a participé activement au développement des actions de la Ligue de l'enseignement et bénéficie à présent d'un champ d'action plus large par la multiplication de ses activités. Voilà, je m'arrête là puisqu'il y a la guerre. Et on va enchaîner sur une pause musicale. Et c'est moi qui ai choisi donc Kenny Arcana, l'usine à adultes, qui viendra un peu contrecarrer tout ce que je viens de raconter, mais qui laisse à réfléchir. Un beau pied de nez, un petit contre-pied. Merci. Puis l'enfance, on nous balance. Puis l'enfance, on nous balance. Puis l'enfance, on nous balance. Des choses qui rendent fou, inutiles, style, fil dans le moule. Excuse, mais je m'en fous. À l'école, tais-toi, la garçon, détingue tapant. On faut des diplômes et de l'argent, sinon la galère t'attend. Y'a des horaires pour s'amuser, d'autres pour le sérieux. T'es imposé alors puis toi tu choisis rien, veut tout le monde ou pas. Tu te rends compte ou pas qu'on nous dresse d'une façon, si tu refuses ces styles. Oh mais cela raconte quoi. Des petits on nous met des barrières mentales en place. Et la spontanéité juvénile et la pureté sans crainte. C'est formatage, emballage pour la vie d'adulte. Des petits en cours, la réceptivité, tu sais que ça dure. L'éther non-stop, 36 heures par semaine où tu la fermes et tu gobes jusqu'à la vie active. Bref, le même protocole qu'on descend. T'écœuré par la réflexion, deviennent de bons moutons manipulables, passifs devant leur télévision. Prêt à tout croire, bon auditoire pour la propagande de leur grande foire politique. C'est le trou noir pour ma génération. La même histoire, vu que c'est le dollar que les gens vénèrent à fond. Enseignement obligatoire, format depuis qu'on est en système scolaire mal foutu à l'allure d'usine à adultes. Même format pour tout le monde. L'éducation de modèle à la rue te fait perdre ta nature. Même rentre dans la classe afin de rentrer dans une case. T'empêche de penser par toi-même. Système scolaire mal foutu à l'allure d'usine à adultes. Même format pour tout le monde. L'éducation de modèle à la rue te fait perdre ta nature. Même rentre dans la classe afin de rentrer dans une case. T'empêche de penser par toi-même. Viens, entre dans la classe. Place le cul sur une chaise, pas bouger, telle une statue de glace. Si tu veux causer, tu lèves le doigt. Et si t'es pas d'accord, soit tu punis, soit tu prends sur toi. Mais si t'as plus droit, alors faut que tu apprennes leur leçon. Pour lâcher les tiennes, car c'est du par cœur. Robotisation, doucement, on fait enfiler tes chaînes. Clic, clic, pour que tu sois un beau pion plus tard. On t'assujette, rentre dans la machine. Façon, soit tu rentres, soit tu pars. Et si tu pars, la galère t'attrape. Et t'inquiète, ils sont malins, ils ont pensé à tous ces bâtards. Classement, rangement, partout. Dernier rang, d'ailleurs, paraît qu'on y voit rien. Erreur, c'est dans le fond qu'on voit tout à l'heure. Parfois, bafoué sans naturel, l'école entrée d'une avenue tout tracée. Où rares et dangereux sont les ruelles. Institution qui t'apprend dès le départ que dans ce monde le verbe être ne peut se conjuguer sans avoir. Système scolaire mal foutu à l'allure d'usine à adultes. Même format pour tout le monde. L'éducation de modèle à la rue te fait perdre ta nature. Même rentre dans la classe afin de rentrer dans une case. T'empêche de penser par toi-même. Système scolaire mal foutu à l'allure d'usine à adultes. Même format pour tout le monde. L'éducation de modèle à la rue te fait perdre ta nature. Même rentre dans la classe afin de rentrer dans une case. T'empêche de penser par toi-même. Tu te rends compte que l'éducation ne considère les gamins que comme de futurs adultes, de futurs outils babyloniens. On leur fait apprendre non pas pour leur enrichissement personnel, mais pour qu'ils déteignent de la bonne couleur. Rentre dans les rangs, on mure ton cerveau dans cette classe. Chacun pour soi, on t'apprend à te battre pour la première place. Peu importe ton âge, peu importe ce que tu souhaites, tout le monde doit avoir le même bagage qui s'emboîte avec le système. Et si tu sors du circuit, c'est le monde marginal. Galère, toc, street, prison, police, bref, reine géniale. C'est ton choix petit, mais la rue n'est pas la meilleure école. L'école de la vie, l'école du voyage. Moi la meilleure école, t'es petit. Ne ferme pas ton esprit, vois les choses par toi-même. N'écoute pas tout ce qu'on dit dans tes livres. Ce n'est qu'une parcelle de la vérité. Ce qu'on veut bien que tu saches, ne t'arrête pas à leurs écrits. Évalue, sois bien plus sage que. Système scolaire mal foutu à l'allure d'usine à adultes. Même format pour tout le monde. L'éducation de modèle à la rue te fait perdre ta nature. Même rentre dans la classe afin de rentrer dans une case. T'empêche de penser par toi-même. Système scolaire mal foutu à l'allure d'usine à adultes. Même format pour tout le monde. L'éducation de modèle à la rue te fait perdre ta nature. Même rentre dans la classe afin de rentrer dans une case. T'empêche de penser par toi-même. Les petits, dans ce monde, l'école c'est important. Mais ne ferme pas ton esprit pour autant. Garde ton esprit critique, analyse et vois les choses par toi-même. Tombe pas dans leur piège. Réfléchis et garde en tête que leur enseignement est formaté. Donc que tout n'est pas dit. Et laisse pas te modeler. Comprends par toi-même. Enrichis-toi et réfléchis toujours par toi-même. Toujours par toi-même. Kenny Arcana avec l'usine à adultes. Je crois que c'est une émission historique du Grémos avec le plus grand nombre de gros mots à la minute, je pense. On peut fêter ça. Nous allons maintenant retrouver François Maguin qui va développer le thème choisi aujourd'hui de l'éducation populaire laïque entre 1895 et 1940 dans la Loire à travers l'exemple concret de l'amicale laïque de Michelet. Oui, très bien, parce que cette amicale laïque de Michelet, ben, elle fête ses 120 ans, donc c'est un bail. Et puis surtout, on a la chance qu'elle ait des archives, hein, avec des trous, mais des archives assez complètes qui permettent de voir un petit peu comment ils ont fonctionné durant ces années. Alors, simplement, je signale que tout au long de l'année 2015, l'amicale laïque va organiser une série de manifestations pour célébrer cet anniversaire. Bien, donc, l'amicale laïque Michelet, elle est implantée rue des Passementiers, c'est-à-dire au centre d'un quartier à peu près, je dirais, au milieu entre la rivière et Valbenoite. Or, ce quartier de Valbenoite, il est bien particulier, puisque c'est le plus vieux quartier de Saint-Étienne, avec une tradition catholique très forte autour de l'abbaye. Et puis, c'est un endroit où, au 19e siècle, 18e, 19e siècle, travaillaient essentiellement des passementiers. Or, les passementiers, c'est des gens qui travaillent à façon, comme on dit, c'est-à-dire en famille chez eux, et qui sont réputés pour leur conservatisme. Donc, l'abbaye avait... La religion catholique était hégémonique dans ce quartier et avait organisé toute une série de jeux de boules, de confréries, de tirs à l'arc, de patronages qui étaient mis en place. Or, au XIXe siècle, il va y avoir une industrialisation autour du Furon dans la plaine de Champagne, essentiellement teinturée et textile, ce qui va faire venir dans ce quartier une population ouvrière. Donc, on va assister à un changement de ce quartier qui va se traduire par une émergence d'œuvres et d'amicales du monde laïque. Alors, 1884, les lois Ferry, il faut le temps que s'organise un petit peu l'école laïque, et c'est pas trop étonnant que c'est 10 ans après qu'on va voir surgir dans ce quartier un foisonnement d'initiatives qui sont surprenantes. Hein. On parlait tout à l'heure de 614 amicales laïques au début du siècle. Donc là, on va en avoir trois sur un territoire d'une dizaine de rues. L'amicale des anciens élèves de l'école laïque, la rue des Passementiers, le patronage des anciens élèves de M. Pourrandier, qui avait un siège au café Creuset, et également l'amicale laïque La Rivière. Donc là, on est en 1895. Et on n'est pas étonné non plus qu'il y ait un mouvement centrifuge qui va faire que ces efforts-là de groupes d'anciens élèves vont aboutir à une fusion, par exemple en 1899, de l'amicale laïque des Passementiers et de l'amicale laïque des élèves de M. Pourrandier. Au demeurant, les activités sont très réduites. Hein. On a vu tout à l'heure que Massé avait mis à disposition sa bibliothèque. On voit bien l'importance de la bibliothèque dans cette éducation populaire de la Ligue de l'Enseignement. Et on n'est pas étonné que la bibliothèque de l'école La Rue des Passementiers va être ouverte le dimanche matin. Hein. On verra aussi s'installer de la gymnastique, hein, et du tir. En 1900, un événement bien particulier à Saint-Étienne va arriver, c'est l'arrivée de la municipalité socialiste de Jules Ledain, qui va encourager donc les initiatives laïques. C'est pour ça qu'en 1902, on va assister à la mise en place d'un patronage sur le quartier. Et qui on trouve ? Eh bien, Claude Grivola. Claude Grivola, dont Karima a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire quelqu'un qui va être le président de la Fédération de la Loire. Et il est aussi président de ce patronage et il va rester dans cette amicale Michelet jusqu'à sa mort. Donc, il y a une inauguration du patronage Michelet en 1903 avec des locaux qui sont adaptés et qui vont faire que l'amicale des Passementiers va devenir l'amicale la plus importante du quartier. Hein. L'amicale La Rivière, par exemple, va exister en tant que telle jusqu'en 1942, mais utilisera les locaux de la rue des Passementiers pour toutes ses activités. On a un chiffre de 100 à 160 enfants, quand même, de moins de 12 ans, encadrés par des surveillants payés avant la guerre de 14, donc ça montre l'importance de l'amicale. En 1910, se crée une société de gymnastique, Jeunesse laïque du Sud-Est, et d'après ce qu'on ce qu'on trouve dans les archives, on a l'impression que les gens qui fréquentent l'amicale, c'est plutôt le reflet du côté ouvrier du quartier. On a des adresses qui sont entre la rue des Passementiers et la place Bellevue, donc le côté ouvrier du quartier. Et lorsqu'on a des professions, on retrouve les professions traditionnelles du petit peuple stéphanois, les teinturiers, les tourneurs, les verriers, les artisans armuriers qui habitent cet espace usinier. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les objectifs ? Les objectifs, ce qui est mis en avant dans les discours, c'est des valeurs, l'amitié, la solidarité, l'entraide. Hein. Et également, toujours, la défense de l'école laïque. Donc, les incursions que vont faire les amicalistes dans la vie politique, ça sera essentiellement des appels à voter pour des élus qui sont défenseurs de la laïcité, défenseurs de l'école laïque. Puis ce qui est proclamé bien haut, c'est l'appartenance de l'amicale à l'éducation populaire. Il faut former le citoyen, il faut former le républicain, et pour ça on pratique une démocratie qui montre qu'on est capable d'être acteur dans cette société républicaine, hein. D'où d'ailleurs, ce qui est toujours surprenant, un formalisme démocratique extrêmement fort. Hein. On a une assemblée générale, on a un bureau, on a un conseil d'administration, on a un président qui préside vraiment, et puis on a toute une série de commissions, par exemple le cercle, les fêtes, les loisirs, le patronage, le contrôle du livre de compte, tout cela est extrêmement formalisé. Pour les activités, on peut dire qu'il s'agit de réponses à des aspirations populaires. Le quartier de la Rivière, c'était un quartier qui était quand même assez loin de tout à Saint-Étienne. Donc, il fallait créer une vie dans ce quartier. Et c'est d'abord l'encadrement de la jeunesse, hein, cette grande peur de la rue qu'il y avait dans les milieux populaires. On ne voulait pas que l'enfant ou le jeune traîne dans la rue. Donc, l'amicale offrait une réponse à ça à travers le patronage, hein, et ses locaux, à travers aussi tout ce qui était société de gymnastique, hein, et éducation physique, les boules, le billard, les sections gymniques, en 1924 le basket, et on voyait qu'ils étaient un peu dans la modernité, et puis en 1929, on va voir l'amicale laïque, et c'est là que ça montre l'importance de l'amicale laïque Michelet dans la Loire, l'amicale laïque qui, avec Louis Perret, va être à l'origine de la fondation de l'UFOLEP. À côté de ça, il y a l'idée de loisirs distrayants et instructifs qui se mettent en place pour se retrouver le samedi et le dimanche. Alors, on a le cercle, hein, la buvette, on a la bibliothèque qui est assez importante, on va avoir aussi des troupes de théâtre, on va avoir des concerts avec l'harmonie Michelet, on va avoir des kermesses, on va avoir des sorties, et même après 1937, toujours à l'avant-garde des activités, on va avoir l'installation d'un cinéma qui va projeter le samedi soir ou l'après-midi du dimanche des films. Il y a aussi toute une dimension de création à travers le groupe de théâtre de la Gerbe artistique, à travers des chorales. Alors, il y a trois particularités qui me semblent intéressantes et sur lesquelles je reviendrai. C'est la création en 1924 d'une amicale laïque féminine. Alors, on peut s'étonner d'une amicale laïque à part pour les femmes. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une époque où la mixité n'est pas courante et où les amicales laïques ne veulent pas être taxées ou soupçonnées d'immoralité. Et donc, il va y avoir des amicales laïques féminines qui vont se créer à ce moment-là. Et qui en trouve pour créer cette amicale ? Madame Grivola, la femme de Claude Grivola. On voit bien comment c'est un ensemble de militants qui font vivre cette amicale. Le scoutisme en 1930, avec un mouvement des louveteaux dépendant des éclaireurs de France, c'est-à-dire des éclaireurs laïcs. Et puis, vous avez, on va y revenir plus longuement, le foyer d'éducation en 1926, qui est mise en place par M. Perret, qui est un instituteur. Et vous voyez, M. Perret était un militant important de la Fédération, puisqu'il est à l'origine de l'UFOLEP. Avant de parler plus longuement sur l'éducation populaire mise en place dans ce foyer d'éducation, simplement, les archives nous révèlent les soucis des militants. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est jamais les difficultés matérielles qui sont mises en avant. Le fait du cercle permettait un autofinancement et permettait de faire tourner les activités qui étaient d'ailleurs en grande partie bénévoles. Hein. Par contre, on se plaint de la difficulté de recruter des moniteurs, on se plaint aussi de la difficulté de recruter des militants. Hein. Il y a certaines activités qu'on n'arrive pas à ouvrir aussi souvent qu'on voulait parce que les gens ne participent pas suffisamment. Ce qui est assez intéressant, c'est le repérage de difficultés idéologiques. C'est-à-dire que les militants de l'amicale se plaignent dès les années 30 que les instituteurs sont indifférents à l'amicale laïque, ne travaillent pas avec l'amicale laïque. Ils se plaignent aussi des parents qui ne s'impliquent pas assez dans la défense de la laïcité et plus généralement d'une utilisation fonctionniste du patronage par les parents. C'est-à-dire que on veut que le patronage soit un lieu d'éducation et on s'aperçoit que pour les parents, c'est un lieu de garde. Alors, je reviens sur ce foyer d'éducation de l'amicale laïque Michelet, puisque c'est une des grandes originalités. J'ai parlé de l'instituteur Louis Perret qui en a été le fondateur. C'est le responsable des jeunes de l'amicale laïque. Il représente l'amicale laïque à la Fédération. Il est fondateur de l'UFOLEP. C'est un militant laïque très, très actif. Quoi. Or, il crée en 1926, un foyer de l'éducation dont le but est de mettre les connaissances de chacun à la portée de toutes, devrait, au sein du patronage Michelet pour éduquer ses membres, former des laïcs et des républicains, créer autour de l'école l'atmosphère de sympathie qui fera véritablement d'elle l'âme de notre démocratie. On retrouve les définitions de l'éducation populaire dans le monde laïque. Et le moyen, ça va être cette fameuse bibliothèque de livres et de revues qui va atteindre quand même 1800 livres, hein, ce qui est important à l'époque, et ce sera des causeries intimes, des conférences, et surtout, ce qui nous permet de bien reconstituer l'évolution de ce foyer, un bulletin qui va être tiré en 250 exemplaires à peu près, et qui va être diffusé sur toute la ville. Il s'appellera jusqu'en 1929 le bulletin du foyer d'éducation, et à partir de 1929, l'étincelle. Alors, quelle différence entre les conférences et les causeries intimes ? Les causeries intimes sont assurées par des membres du foyer, et sont souvent consacrés à des sujets proches des préoccupations quotidiennes. Par exemple, comment concevoir le rôle de chacun des deux époux dans la famille et dans la société, les assurances sociales, qu'est-ce que la morale. Par contre, les conférences qui vont avoir lieu le samedi soir ou le dimanche après-midi sont le fait d'intervenants extérieurs à l'amicale, professeurs, inspecteurs d'académie, parfois des gens prestigieux comme Paul Langevin. Et les sujets seront plutôt scientifiques et philosophiques, et ils sont très ambitieux. L'œuvre de Pasteur, l'organisation de la paix, un projet pan-européen d'union douanière, la défense de l'école laïque, le fascisme, rivalisent avec des contenus parfois plus légers, comme mon voyage en Europe centrale ou voyage à travers ma vie d'institutrice. Alors, ce qu'il faut repérer, c'est que c'est un loisir très apprécié. Dans un quartier où il ne se passe pas grand-chose le samedi et le dimanche, ces conférences vont réunir parfois plus de 200 personnes, dont beaucoup de femmes. Hein, c'est quelque chose, on vient en famille, hein, avec les enfants et sa femme, et pour que tout le monde s'y retrouve, on les fait suivre d'un programme artistique qui sont assurés par les autres sections de l'amicale. C'est-à-dire qu'on va présenter à la suite de la conférence eh bien, une pièce de théâtre qui a été jouée par la gerbe artistique, un concert qui va être fait par l'harmonie Michelet. On verra même apparaître des casse-croûtes, des sorties à la campagne ou des séances de cinéma. Le foyer va progresser. Hein. Si en 1927, il annonce 50 membres, dont 5, il en annonce par contre en 1929 120, dont 53 jeunes. Alors, ça nous fait parler de l'évolution du foyer, puisque on va quand même repérer deux périodes. De 1926 à 1929, on a l'impression que le foyer est plutôt l'affaire d'un homme, hein, l'affaire de Louis Perret, avec l'éducation, c'est-à-dire que c'est des comptes rendus de conférences, des citations, des poèmes, etc. Alors qu'à partir de 1930, c'est plutôt l'étincelle, une arme de combat. Un journal plus illustré, avec des contributeurs plus nombreux, avec des caricatures. Et ça nous permet de repérer qu'il va y avoir une disparition progressive des conférences et des causeries dans cette période-là. surtout les sujets changent. Si on a de très nombreux contenus anticléricaux, on va avoir, à partir de 1933, plutôt des conférences qui sont consacrées à la mesure de la montée des périls en Europe, comme l'avenir de la Russie, l'impression d'Allemagne, une éducation pacifiste des enfants, l'hitlérisme source de guerre. On va avoir aussi des rubriques qui seront beaucoup plus offensives sur la laïcité, avec des reprises de... par exemple d'articles du journal anticlérical de la Calotte ou des interventions plus tranchées dans la vie politique locale pour dénoncer les abus contre la laïcité. Simplement, et pour le dire, il va devenir aussi plus polémique et surtout il va montrer qu'à l'intérieur de l'amicale laïque, un débat se fait autour de l'idée de la guerre. C'est-à-dire qu'on va voir plusieurs... tendances s'opposer, des tendances d'un total pacifisme qui entraîneront des réponses dans des articles sur un patriotisme républicain et qui montrent que ces articles qui tournent autour de la guerre à venir reflètent les positions des différentes composantes de l'amicale et la lutte d'influence, je dirais, reflète les luttes d'influence et des débats d'idées de la gauche de l'époque. Alors le dernier numéro sera paraîtra en mai-juin 40 et après la guerre, l'amicale ne fera plus fonctionner le foyer d'éducation. Donc, actuellement, on a une amicale qui a 120 ans, hein, qui a gardé une forte identité structurée autour des enfants et des jeunes, mais aussi de l'éducation populaire, puisqu'elle organise des rencontres sur le vivre ensemble. Hein. Il y en a une, d'ailleurs, auquel vous êtes invité, autour de la laïcité, le 20 mars à 19h. Hein, et elle s'est suivie d'autres tout au long de l'année. Bien, puisqu'on est dans les rendez-vous, je crois que Karima peut vous proposer quelque chose aussi. Tout à fait. Donc, c'est organisé avec le Grémos. Donc, il s'agit d'une pièce de théâtre qui s'intitule La Plate Couture et qui aura lieu vendredi 13 mars à 20h30 dans la salle culturelle de l'Orme. Pour information, cette pièce de théâtre qui traitera du cas de l'Ojabi, pour ceux qui connaissent, s'ensuivra une discussion avec Alban Gradiotin sur la place des femmes dans le mouvement ouvrier. Et c'est organisé avec le Grémos. L'occasion de retrouver donc Alban qui intervient de manière assez récurrente dans l'émission du Grémos. Donc vous connaissez déjà sa voix, si vous êtes des fidèles de Dio. Merci. Merci François, merci Karima pour cet éclairage culturel et historique sur l'éducation populaire dans la Loire. On se retrouve le deuxième jeudi du mois prochain pour une autre intervention du Grémos. Merci beaucoup. Au revoir.